Mais la programmation, c'est un rapport avec des programmes. Dans le sens, souvent, on se leurre, hein, on parlait de ça comme, oh, moi, j'ai une programmation de. Non, c'est que la personne va avoir plus tendance à activer certains programmes autorégulés, à les nourrir avec son énergie. Un des problèmes, c'est que l'être humain, au lieu de se servir des programmes, c'est-à-dire de certaines forces autorégulées qui existent, de certaines mémoires, il va lui servir ces choses-là inconsciemment, d'une façon inconsciente, pour que de la mémoire expérimentale se perpétue, se réenregistre et s'affine, selon un processus long, lent, de répétition, d'essais-erreurs, alors que ça pourrait aller beaucoup plus vite que ça, s'il y avait une intégration de c'est quoi les programmes, c'est quoi la programmation, c'est quoi les lois de ça. Donc, plus vous allez souffrir, soit vous allez vous désintégrer, soit intégrer. C'est-à-dire que l'énergie de la souffrance, c'est toujours de l'information qui n'est pas intégrée. Puis la nature, comme ça s'est tout construit inconsciemment, d'une façon autorégulée, ça ne sera pas nécessairement intelligent au sens où nous, on l'entend.